Bonjour, ravi de vous retrouver sur Radio Gémozo pour Amadou Décryptage. Je vais continuer à vous décrypter les expressions françaises et les noms qui font l'histoire. Amadou Décryptage épisode 8, c'est maintenant. Tout de suite, une expression « avoir bon pied, bon œil ». Avoir une allure vive et alerte. Le bon pied, c'est la stabilité, la rapidité. Le bon œil, c'est la vue perçante. La combinaison des deux nous donne une personne en pleine santé, dynamique et alerte. Virginia Apgar, directrice du département anesthésiologie de l'Université de Columbia aux États-Unis, mit au point en 1952 un score d'évaluation de la vitalité des nourrissons à la naissance. Ce test évalue des constantes vitales fondamentales moins d'une minute après la naissance. L'idéal est que le rythme cardiaque soit supérieur à 100. La respiration normale et efficace, les quatre membres repliés sur le corps. Le nourrisson doit aussi avoir poussé un cri et sa peau doit être rose. On effectue un deuxième test 5 minutes après sur les mêmes critères, ce qui permet de voir l'évolution des paramètres. Initialement, Agar souhaite évaluer la vitalité des nourrissons dont la mère avait subi une anesthésie. Par la suite, ce test fut généralisé à tous les nouveau-nés, puis à l'ensemble des maternités des États-Unis et enfin dans le monde entier. On l'utilise encore aujourd'hui de manière systématique. Le succès de ce test vient de sa simplicité, de sa rapidité et de sa fiabilité. Aucun accessoire n'est nécessaire, sauf une montre pour mesurer le pouls, un papier, un crayon. Qu'est-ce que c'est le pouls ? Le pouls est la perception du flux sanguin pulsé par le cœur, par la palpitation d'une artère. Tous les médecins, dès leurs premières études, connaissent par cœur les paramètres du test Apgar et leurs cotations. On a mené de nombreuses études statistiques sur le devenir des enfants dont le score était bas. Une belle façon d'accueillir un bébé avec un test simple comme bonjour. Passons maintenant à des noms qui font l'histoire. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à Nelly Melba. Comment le nom d'une chanteuse s'est-il transformé en un dessert ? Nous sommes à Londres en 1894, dans le hall de l'hôtel Savoie, carrelé de damiers. Près des imposants portes à tambour, un homme et une femme discutent. L'une est enveloppée dans un lourd manteau de fourrure, tandis que l'autre arbore une moustache fournie. Le ton est chaleureux et pour cause, Nelly Melba et Auguste Escoffier s'entendent à merveille. Voici quelques mois que la cantatrice australienne se produit régulièrement au Covent Garden. À 33 ans, Nelly Melba, de son vrai nom Helen Porter Mitchell, au sommet de la gloire. Elle n'a pourtant pas été une enfant prodige, étant alors plus connue pour ses sifflements qui la faisaient passer pour un garçon manqué que pour ses vocalises et plus intéressée par les mathématiques que les cours de chant qu'on lui impose. Après la naissance de son fils en 1884, elle nourrit cependant le plus l'envie de chanter. Encouragée par son professeur, Pietro Cecchi, qui décèle en elle un véritable don, la pousse à se produire en public. Melba fait ses débuts internationaux au Théâtre Royal Bruxelles en 1887. Acclamée par le public et par la presse, la grande soprano excelle dans la Traviata Lucilla di Lammermoor, la Bohème ou encore l'Acmé. C'est le début d'un succès amené à entrer dans la légende. Melba et le renommé cuisiniste Savoy Auguste Escoffier ont certes déjà ont de nombreuses occasions d'échanger sur l'art, la gastronomie, l'opéra. En ce début de soirée, après des discussions passionnées à propos du personnage de Marguerite Dufaust, jouée par la cantatrice, celle-ci offre du chef cuisinier deux fauteuils pour assister au Lohengrin de Richard Wagner, opéra dans lequel apparaît un cygne. Dès le lendemain, pour la remercier, Escoffier fait tailler dans un bloc de glace un superbe cygne. Entre les deux ailes duquel il place une timbale en argent couverte de glace à la vanille. Sur lit de crème glacée, il installe délicatement des pêches à chair blanche et tendres au préalable pochées dans un sirop à la vanille. Un coulis de framboise fraîche enfin couvre les fruits, le tout complété d'un léger voile sucré. Ça donne fin à tout ça. Un nouveau dessert est né, qu'Escoffier nomme pêche au cygne. Ce n'est qu'en 1899, lorsque César Rees confiera les cuisines au Carlton de Londres à Escoffier, que l'entremets sera renommé pêche Melba. Pourquoi une pêche et non pas des fraises ou une poire, me diriez-vous ? N'oubliez pas que cette composition est pensé par le cuisinier en hommage à la grande cantatrice, Melba. Or, la différence des poires, les pêches, aurait la vertu d'adoucir la voix. Les gens importants de ce monde n'y sont en tout cas pas trompés. Tous l'invitent à se produire dans leur pays. Elle chante à Saint-Pétersbourg pour le tsar Alexandre III, à Vienne pour l'empereur François-Joseph, à Berlin pour Guillaume II, mais aussi pour le président français et bien sûr pour la reine Victoria. Ayant levé des fonds pour l'effort de la guerre, elle sera faite dame de l'Empire britannique en 1918 par le roi George V. Une histoire de palace donc. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Amadou Décryptage, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit sur Radio Gemozo. Passez une excellente journée sur nos antennes et moi je vous dis bye bye.